c'est l'été. Près d'un cambriolage sur trois a lieu pendant les vacances. Ne laissez pas vos vacances être gâchées. Alors contactez Verisure pour protéger ce qui compte vraiment. Verisure, expert des alarmes avec protection 24 heures sur 24. Alors on n'a pas fini, Bonjour Bruno Guillon, bonjour Caroline. Bonjour Jérôme. Ah, c'était bonjour bien. Bonjour Caroline. Alors, bonjour Bruno, bonjour Caroline. Il faut que vous compreniez quelque chose. On va essayer de comprendre. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans le studio ce matin. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans le studio ce matin avec toute l'équipe du grand quiz de l'été. En mode, on est en finale! Et tout le monde était heureux, des accolades, des embrassades, des bisous bleu, blanc, rouge. Et puis dans un coin du studio. Caroline Diamant, pour qui cette accession à la finale de l'équipe de France est comme un chocolat belge fourré au laxatif. Aucune réaction. C'est extraordinaire. Mais vous savez, c'est là où je me dis, on a le droit aussi de ne pas s'intéresser au football. Et Dieu merci, pendant une heure et demie, eh bien, Caroline Diamant va me rappeler que le football ne touche pas tout le monde. Mais si, elle a dit hier qu'elle irait draguer, justement. Et visiblement, ça a été infructueux. Oui, alors, visiblement, pour draguer un match de foot, il faut se mettre devant l'écran, voilà. Et ça marche pas bien. Il y a beaucoup plus de monde sur les Champs-Élysées que sur Caroline Diamant. Oh bah alors, à bon. De près oui. Jérôme. Une heure et demie comme ça à faire tous les deux, c'est ça. Jérôme, Caroline, c'est avec grand plaisir en tout cas que j'ai revécu cette demi-finale, ouais. En vous écoutant ce matin, c'était un vrai plaisir. Merci. À demain. C'était demain. Génial. C'est au revoir. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et vous savez quoi, Caroline? Moi, j'ai envie de dire, ne boudons pas notre plaisir. Que vous aimiez le football, que vous n'aimiez pas le football. Aujourd'hui, soyons heureux. Car le grand quiz de l'été est de retour. Jusqu'à 11h du matin, bonjour Caroline. Bonjour Bruno, bonjour la France. Oui, bonjour l'équipe des Bleus. Bonjour l'équipe des Belges. Bon, et surtout bonjour l'équipe du Parc Astérix. Et ils sont là en randonnion, assurance touriste, Astérix, Obélix, ordre alphabétique, c'est automatique. Tous vous attendent autour du banquet gaulois pour venir faire la fête durant cet été. C'est ce que nous vous offrons dans le grand quiz de l'été d'RTL pour vous et votre famille. Séjour pour 4 personnes à gagner au Parc Astérix si on veut jouer. C'est-à-dire que là, on est en train d'écouter RTL, on se dit, mais dites donc, quelle équipe souriante et dynamique. J'irai bien de mon petit coup de fil pour me retrouver à l'antenne. Comment ça se passe? C'est une excellente idée déjà. Vous appelez le 3210, voilà, pour vous inscrire. Vous, si vous préférez les SMS, vous envoyez RTL par SMS au 74 900 et vous pouvez même utiliser le magnifique hashtag parce qu'il est particulièrement beau. RTL Quiz, un seul Z à quiz. C'est voilà, vous savez tout. Elle le dit elle-même. Magnifique, c'est Annie-Paul qui nous attend du côté du Standard ce matin. Bonjour Annie-Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bienvenue sur RTL, on est dans le Morbihan grâce à vous ce matin, où ça exactement? Non, on est à côté de Plouermel. À côté de Plouermel. Oui, entre Rennes et Vannes. Très bien, vous faites quoi dans la vie, Annie-Paul? Alors moi je suis VDI, je vends des produits de consommation courante par système de réunion. Voilà. D'accord. Vous faites. Alors, je vais utiliser le terme qui est devenu un terme générique, les réunions Tupperware, c'est-à-dire que vous pouvez vendre soit des appareils électroménagers, soit des produits cosmétiques, et vous faites ça à la maison. Voilà, tout à fait. J'adore l'idée. Très bien, mais je comprends pas l'origine du mot VDiste. VDiste, c'est VDI, tout simplement. Voilà. Vendeur-distributeur indépendant. Voilà. D'accord, très bien, je remercie l'équipe du Grand Quiz qui vient de me faire passer dès 9h34 pour une que je suis sûrement. Mais vive la France. Non, pas du tout. Bon, j'aimerais qu'on parle quand même, avant de jouer ensemble, de votre mariage. Marie-Paul, puisque demain, nous aurons un anniversaire. Ce sera aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui? Oui. Les 30 ans de mariage, c'est aujourd'hui. Applaudissements, oui. S'il vous plaît. Bravo. Félicitations à vous. Mais merci. Alors, ça a failli pas se passer super en fait, cette histoire de mariage. Ça a même failli passer très mal. Expliquez-nous. Mais mon mari était militaire à cette époque-là, dans la marine, et c'était au moment de la guerre Iran-Irak. Donc il était parti depuis le mois de janvier. Et en mois de juin, il m'envoie un billet d'avion en me disant « Je t'attends la première semaine de juillet ». Donc je lui réponds que je pouvais pas parce que on avait quand même deux jeunes enfants et je lui dis bah non, viens toi et puis on va en profiter pour se marier. Oui. Donc la Marine nationale nous fait toutes les démarches pour qu'on puisse se marier, pas de souci. Et puis il devait arriver le 7 juillet. Et le 7 juillet au matin, je reçois un coup de fil de la Marine me disant qu'il y avait un problème, on n'était pas sûr qu'il ait une place dans l'avion. Ah mince, donc forcément c'est embêtant pour le mariage. Donc je lui ai demandé gentiment, mais je dis alors on va faire comment? Et il m'a répondu très naïvement, vous inquiétez pas, on va vous fournir quelqu'un d'autre. C'est top. Ouais, mais bon, à l'arrivée c'est quand même le bon qui s'est présenté, ça oui, fait donc oui, 30 ans aujourd'hui. Il a réussi à avoir une place dans un avion et il est arrivé le samedi, on s'est marié le lundi. Bon, et bien vous savez quoi? Il est reparti le mercredi. J'espère en tout cas que cet anniversaire de mariage va vous porter chance. On va voir ça dans quelques secondes puisque Caroline va vous poser des questions. Des questions auxquelles vous allez essayer de répondre pour repartir ce matin avec un séjour au parc Astérix. Le temps d'écouter Michael Jackson. métier d'orthophoniste pour prononcer à la perfection le titre de cette chanson de Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Bon, après, je n'apprenais pas très très vite, hein, je vous le concède. Michael Jackson, à l'instant sur RTL, 9h40. Belle matinée sur RTL. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500€ en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80€ offerts sur nos boîtiers. Oui, 80€. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Attention, attention! Grand tournoi de volley sur la plage demain à partir de 11h. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je suis super contente, c'est moi qui l'organise. Alors je viens chercher de quoi désaltérer tout le monde. Ah, d'accord. Et vous saviez que jusqu'au 22 juillet, chez Carrefour Market, le troisième pack de 6 bouteilles d'eau minérale naturelle Perrier est gratuit. Voilà! Prouh, toute cette activité, ça m'a donné soif. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Bouteille de 1 litre, magasin participant sur carrefour.fr. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. Ah, c'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Et Annie-Paul, qui est la première candidate du grand quiz de l'été de ce matin. Annie-Paul, est-ce que vous êtes prête à jouer avec nous? Oui, oui, tout à fait. C'est Caroline qui vous pose les questions. Vous connaissez le principe, un maximum de bonnes réponses pour tenter de gagner le séjour au parc Astérix tout à l'heure aux alentours de 10h15. Si d'aventure vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, et c'est tout le mal que je vous souhaite, vous aurez un chèque de 1000€ qui viendra se rajouter à votre cadeau. Annie-Paul, est-ce que vous êtes prête? Oui, tout à fait. Top chrono, c'est parti. Sur quelle partie du corps enfile-t-on des leggings? Les jambes. Quel objet égaré dans un aéroport Cadmerade recherche-t-il dans un de ses derniers films? Je passe. En France, quel est le seul panneau routier de forme octogonale? Qui était l'entraîneur du club de foot de l'Arsenal cette saison? Wenger. Quel fruit est la Royal Gala? Une pomme. Comment s'appelle le chien adopté par le couple Macron? Oh, je passe. De quel courant de peinture Henri Matisse était-il le chef de file? Les impressionnistes. Quel trio musical est composé de Lucie, Elisa et Juliette? C'est pas les Brigitte. Quel appareil utilisé par un boulanger peut aussi désigner une situation pénible et difficile? Je sais pas. Quelle série américaine compte entre autres parmi ses membres le Dr. Reed et Penelope Garcia? Esprit criminel. Dans quel sport les Giants de New... Ah, je suis obligé. Oh là là, la mère Foura. Oh, on m'a envoyé un regard. Ah, la mère Foura, là, je peux vous dire. La mère Foura hier soir. Et... Il en suffira d'une avec Samuel Umtiti. Elle était devant sa télé, elle a fait. Et ça veut dire qu'elle était très contente de ce but. Ça, je peux vous dire. Et alors, à la fin du match, elle était comme une dingue. Elle était comme. Pour l'instant, c'est différent. C'est bon. Elle suffit, ouais, cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. La mère Foura, elle a fait. Annie-Paul, on revient sur vos réponses. Oui, le legging se met sur les jambes, évidemment. Vous avez passé pour le dernier film de Cadmerade. Et qu'est-ce qu'il recherche égaré dans un aéroport? C'est un doudou. J'imagine que si on s'arrête ici, j'ai pas mon argent. Ah oui, t'imagines très bien, oui. Vous y tenez à ce doudou, hein? Tu sais ce que c'est qu'un doudou? Un doudou, c'est une peluche qui sent mauvais, qu'est-ce que non, c'est? Non, c'est pas qu'une peluche. C'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité. C'est quoi cette phrase là? On est sur Wikipédia. Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou. Avec l'excellent Malik Bentala que j'embrasse. En France, quel est le seul panneau routier de forme octogonale? C'est le panneau stop. le chien d'Emmanuel Macron, le couple Macron, notre président de la République, qui était très content justement lui aussi sur le but de Samuel Umtiti. Normal. Il s'appelle Nemo, le courant de peinture, dont Henri Matisse était le chef de file. Ce n'est pas les impressionnistes, ce ne sont pas les impressionnistes, mais c'est le fauvisme. Le trio musical composé par Lucie, Elisa, Juliette. Vous m'avez dit les Brigitte. En fait, il suffisait de prendre les premières lettres de chaque prénom et ça vous faisait les L-E-G. Et pour le pétrin esprit criminel, c'était une bonne réponse. Alors, Annie-Paul, c'est vous qui attaquez le grand quiz de l'été ce matin avec 5 bonnes réponses. C'est le score désormais à battre et c'est ce qui vous permet pour l'instant de repartir avec une montre RTL. D'accord, Annie-Paul ? Merci. Peut-être à tout à l'heure ? À tout à l'heure. En tout cas, bon anniversaire de mariage. Merci. Oui, merci. Comme dirait Caroline, un bon anniversaire de mariage. Vous... appelez le 3210 pour jouer avec nous. Le grand quiz de l'été vous permet de gagner un séjour au parc Astérix. Attention, même si ça n'est pas votre anniversaire. A tout de suite. Bonne matinée et bel été avec RTL. Chaque été, c'est la même chose. Je change de rythme, d'alimentation et mon transit se met au ralenti. J'ai trouvé ma solution naturelle avec fruits et fibres des laboratoires Ortis. Des figues et de la rhubarbe pour retrouver un transit régulier. À moi l'été en toute légèreté avec fruits et fibres. Pour profiter de l'offre satisfait ou remboursée, rendez-vous jusqu'au 31 août en pharmacie et sur offrefruitsetfibres.fr. Pour votre santé, mangez 5 fois les légumes par jour. Inside Opéra, l'escape game grandeur nature au cœur du Palais Garnier. En famille ou entre amis, tentez de résoudre une série d'énigmes sur les traces du fantôme de l'opéra en explorant les espaces emblématique du Palais Garnier. Inside Opéra, actuellement au Palais Garnier à Paris, avec TF1 et RTL. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération Fans de Food chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Attention, il ne reste plus que quelques jours. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Prime Day, de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise. Un barbecue, des produits de beauté ou une console, vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon, du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Sur les réseaux sociaux, vous réagissez à l'émission avec le hashtag RTL Quiz. Et vous savez quoi, ce matin avant 11h, je m'engage à ce que nous choisissions quelqu'un via les réseaux sociaux, soit Twitter, Instagram. Oui. Je ne savais pas que ça vous amènerait autant de plaisir. Écoutez, vous m'auriez prévenu, je serais allé directement à l'essentiel. Il en faut peu, hein, vraiment, pour vous faire plaisir, Caroline. Je trouve que c'est une bonne idée, voilà, je sais que nos auditeurs en sont friands. Et il y a également la page Facebook. Bah, là aussi, sur la page Facebook, on peut vous choisir la page du Grand Quiz de l'été. Allez, nouveau candidat que vous accueillez, voici Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Fabien, bienvenue sur RTL. Nous sommes ravis de vous avoir comme candidat et peut-être que ce sera vous le grand gagnant de cette première série de ce matin. Alors Fabien, vous êtes déjà parti en vacances, c'est prévu, qu'est-ce qui se passe ? C'est prévu, une petite semaine au mois d'août. D'accord. Toute ma famille. Alors, vous habitez Épreville et bien sûr, comme je suis toujours très doué, je sais que c'est dans le 76. C'est ça. Voilà, et le 76, alors attendez, je crois que je sais, c'est pas Rouen. Oui, c'est ça, oui. Alléluia. Vous voyez, les gens se réjouissent parce que la France a gagné, alors que enfin j'ai su placer un département correctement. C'est déjà pas mal. Vous êtes ouvrier paysagiste. Oui. Et vous savez que le score à battre est de 5 bonnes réponses. Je vois que vous avez deux petites filles, elles s'appellent ? Alors, j'ai une grande fille qui s'appelle Cali et une petite qui s'appelle Tess. Très bien. Et elles ont quel âge ? Vous dites une grande, une petite ? Une grande qui a 9 ans et une petite qui a 5 ans et demi. Ah oui, mais pour nous, c'est deux petites choupettes. Oui, c'est bon, petites. Elles sont à côté de vous, elles vous mettent la pression pour gagner non, le... Non, La grande est en colo, puis la petite adore encore. On s'est couché un peu tard hier. Ah oui, il y avait quelque chose de particulier peut-être. Ne cherchez pas, Fabien, Caroline est hermétique au football. J'ai tout essayé. Oui, j'ai cru entendre. Bon, Fabien, allez, 5 bonnes réponses. C'est le score à battre pour tenter de gagner ce séjour au parc Astérix pour amener Cali et Tess. C'est tout le mal que je vous souhaite. Vous avez 10 bonnes réponses d'affilée. Je rajouterai un chèque de 1000 euros. Est-ce que vous êtes prêt, cher Fabien? Oui. Attention, top chrono, c'est parti. Quel fromage est familièrement appelé calendos? Le camembert. De quel pays le mont Fuji est-il le point culminant? Le Japon. Quel est le prénom de la mère de Kim Kardashian? Sarah. Quelle série a réuni Yvan Le Bolloc et Bruno Solo à la télévision? Oui. Comment appelle-t-on spécifiquement un tireur à l'arc? Merci. En 1976, quel chanteur nous emmenait sur la route de Memphis? Eddie Mitchell. Quel nom d'animal désigne aussi un porte-manteau? Ok. Quel produit de la vie courante est appelé chlorure de sodium en chimie? Du sel. Sur quelle surface jouent les tennismen de Roland-Garros? La terre battue. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? Je passe. Quelle partie du corps d'Harry Potter est marquée par une cicatrice? Le front. Sous quelle plante s'embrasse-t-on le jour du Nouvel An? Le gui. Comment s'appelle le château du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin? Moulinsart. Oui! Et là, elle le prend! Elle a dit oui, la mère Foura! Est-ce que ça va faire plus de 5 points? Nous aurons la réponse dans quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, c'est en fait 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps de ce nouveau titre du groupe Indochine. Station 13, c'est le troisième extrait de l'album 13 d'Indochine. Triple disque de platine, le 13 tour d'Indochine, déjà complet sur toutes les dates, se poursuit dans toute la France jusqu'à la fin de l'année. Je suis ce que je savais, j'y ai dansé la nuit. L'esprit parfois retrouvé, mais parfois c'est Station 13. Bienvenue à la station 13, c'était le tout dernier Indochine. Belle matinée sur RTL. Le chassé croisé des vacances a commencé chez Feu Vert. Jusqu'au 13 juillet, les plaquettes de frein Bosch sont à 1 euro. 1 euro seulement. Offre soumise à la pause dans les centres auto-participants, voire conditions sur feuvert.fr. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Avec TUI, partez en vacances cet été à prix léger avec les jours Happy. Moins 30, moins 40, moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50% sur les séjours, les clubs, les circuits ou les vols. Dernière place à saisir en agence de voyage et sur TUI.fr. TUI, numéro 1 mondial du voyage. Happy égale heureux. Valable pour des départs jusqu'au 31 octobre 2018. Conditions sur TUI.fr. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et ils le sont vraiment. Un forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 20 gigas d'Internet, c'est Réglo. Tout ça pour 9,95€ par mois, sans engagement. C'est super réglo. Et la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin, là, c'est carrément réglo. Mobile. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Leclerc. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Ah, et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990€. Comment ça, 8 990€ ? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990€ seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Jusqu'au 5 août, c'est le grand jeu RTL de l'été. Jouez avec les animateurs de RTL et gagnez des smartphones dernier cri, des chèques de 1000 euros, des télévisions 4K, des week-ends de détente ou des voyages inoubliables avec Salin Holidays. Inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute, ou en envoyant été au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Alors rendez-vous tout à l'heure dans RTL vous régale pour le grand jeu RTL de l'été. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Et Fabien qui a joué avec nous il y a quelques minutes et qui attend de savoir si oui ou non il a fait mieux que 5 bonnes réponses. Fabien, c'est avec Caroline oui. que nous allons prendre connaissance justement des quelques petites erreurs que vous avez pu faire. Fabien, est-ce que vous pensez avoir fait plus de 5 bonnes réponses? Je sais pas. Oh, allez, oh là là là là. Vous avez enchaîné les bonnes réponses à tel point qu'on s'est dit, ça y est, on prépare un chèque, peut-être 2000 euros. Et puis non. Alors, qui vous a fait chuter? La mère de Kim Kardashian. Oui, elle s'appelle pas Sarah, elle aurait pu. Elle mais en l'occurrence, Bernadette. Elle s'appelle Chris. Parce que je pense qu'elles ont trouvé plus sympa d'avoir tous des prénoms de cons avec des K. Calmez-vous. Calmez-vous, Caroline. Pardon. Prenez votre petite oui, oui. pilule. Alors, on dit pas con sur l'antenne de RTL. Donc, ce sera bipé quand. Mais puisque c'est passé en direct, vous l'avez entendu. Alors, sinon, on augmente tout de suite, on change le style. Le médecin autrichien, considéré comme le fondateur de la psychanalyse. Et là, c'est mieux que Chris Kardashian, c'est Sigmund Freud. Ce qui, au total, nous donne, cher Fabien, 11 bonnes réponses. Et ça, ça s'applaudit, mais et attention ça... Ah attention, oui. Nous allons prendre un candidat juste après 10h du matin pour le premier séjour au parc Astérix à offrir. Et donc, bah, avec la pression, ce candidat, il faut qu'il sache qu'il faut faire au moins 11 pour tenter de gagner. D'ici là, c'est une montre RTL que je vous offre. D'accord, Fabien ? C'est déjà ça, c'est bien. Fabien, je vous embrasse. Peut-être à tout à l'heure. Merci. Et c'est au 30 de 10 que vous allez tenter de battre Fabien. Ou alors, vous envoyez RTL au 74 900 pour jouer dans 4 minutes. Chez Toussalon, c'est le moment de personnaliser votre salon selon vos envies. Rendez-vous vite dans vos magasins Toussalon sur toussalon.fr et profitez de soldes exceptionnels. Toussalon, reposez-vous sur un grand nom. Vous écoutez RTL, il est 10h. Le Flash avec Mélina Fachin, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. RTL, Mondial 2018. Et il aura donc suffi d'un but, un seul, pour transporter toute la France au 7e ciel. Cette tête de Samuel Umtiti sur un corner d'Antoine Griezmann hier soir a permis aux Bleus de l'emporter 1-0 sur la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Plus de 19 millions de téléspectateurs ont suivi le match. Et dans les tribunes à Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron avait fait le déplacement pour encourager nos joueurs. Il a emmené avec lui le petit Yanel, 12 ans. Le président l'avait rencontré l'été dernier lors de la visite d'une base de loisirs dans les Yvelines. Ce jeune VIP a vécu un rêve éveillé. On l'écoute. On a vu les joueurs de la France chanter dans les vestiaires. Ils étaient contents. On les a vus gagner. Quand je suis rentrée dans les vestiaires, j'ai fait une photo avec Griezmann, avec Raphaël et avec Mbappé. Et une avec Pogba aussi. Tu seras où pour regarder la finale? T'as déjà une petite idée? Peut-être que le président va m'inviter pour aller encore en Russie, s'il y a de la place. Ou sinon, si je ne vais pas en Russie, je vais regarder sur ma télé. Le petit Yanel, 12 ans, au micro de Marion Ferrer. Et comme lui, c'est tout le pays qui a vibré jusque tard dans la nuit de Paris à Marseille. Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, était ce matin l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45 sur RTL. Quel bonheur de les voir heureux. Tous ensemble, si j'ose dire, pour prendre un slogan populaire. D'un seul coup, toutes les différences s'effacent et il n'y a pas beaucoup d'activités humaines qui procurent autant de joie et où les gens osent autant le montrer, en tout cas. C'est un match qui s'est appuyé sur deux choses essentielles. D'abord, un plan de jeu très rigoureux, à la Deschamps, si j'ose dire, et puis une participation sans limite et sans retenue de l'ensemble de l'équipe. Et ça donne le résultat que vous avez vu. Bernard Tapie, qui vous l'avez entendu, félicite l'œuvre de Didier Deschamps, l'entraîneur des Bleus, qui a également été célébré en grande pompe dans son fief de Bayonne. Bonjour Denis Grangeau. Bonjour. Vous êtes devant l'hôtel de ville où vous avez assisté hier soir à des scènes de liesse. Oui, alors je me trouve exactement à l'endroit où hier soir, au milieu de plusieurs centaines de personnes, Jérémy lançait avec enthousiasme. Merci à l'équipe de France, merci à Deschamps, le Pays Basque, on est là mon gars, t'inquiète, on représente. Bon, pas de traces de Jérémy ce matin, ici c'est beaucoup plus calme devant l'hôtel de ville où les Bayonnais commencent à réaliser l'exploit accompli notamment par l'un des leurs. Eh bien, Didier Deschamps est cool, quoi, un Bayonnais, c'est une fierté. Didier Deschamps, il fait un parcours fantastique. Mais bon, être champion du monde en tant que joueur et peut-être champion du monde, enfin même ça ferait. Ils sont en finale, c'est déjà fantastique ce qu'il a fait. Eh bien, très fier d'avoir un stade à son nom ici à Bayonne. Tout le monde se prend à rêver de la Coupe du Monde et pourquoi pas du retour triomphal de l'enfant du pays. Pour les fêtes de Bayonne, à la fin du mois, Didier Deschamps l'avait fait en tant que joueur en 1998. En tous les cas, l'appel est officiellement lancé. Bon, Didier Deschamps, si tu viens à Bayonne pour les fêtes de Bayonne, mais je te paie le bracelet à 8 €. C'est cadeau. Éventuellement un petit verre? Enfin, pas qu'un petit verre. Hein. Merci Denis Grangeau. Mais avant de trinquer, objectif, maintenant la finale de la Coupe du Monde. Ce sera dimanche à 20h à Moscou. On saura ce soir qui sera l'adversaire de la France, l'Angleterre ou la Croatie. La deuxième demi-finale, c'est à 20h à suivre évidemment. Sur RTL, dans le reste de l'actualité, cette découverte macabre hier soir dans le port de La Rochelle. Les corps de deux hommes et une femme ont été retrouvés à bord d'un bateau. Ils ont été tués par balle. L'enquête s'oriente vers une histoire de jalousie amoureuse sur fond de consommation excessive d'alcool. On part maintenant sur les routes du Tour de France pour la 5e étape. RTL, Tour de France 2018. L'étape du jour, Laurent Jalabert avec Jean-Michel Rascol. Rebonjour Laurent Jalabert. Bonjour. On vous retrouve pour la présentation de la 5e étape du Tour. Une étape Lorient-Quimper accidentée. La 5e étape du Tour de France entre Lorient et Quimper est une étape très accidentée. Elle s'apparente un petit peu à une classique dite ardennaise. On pourrait la comparer, pourquoi pas, à un Amstel Gold Race ou un Liège-Bastogne-Liège. C'est une succession de côtes, de montées, de descentes, de virages. Très peu de lignes droites, très peu de plats. C'est un terrain où tout peut arriver. Il y aura une course de mouvement. Aujourd'hui, une échappée a toutes les chances d'aller au bout. Et si toutefois il devait y avoir un regroupement, eh ben on verrait pas les mêmes acteurs. Il y aura plus d'étapes un petit peu contrôlées par les équipes de sprint qui endorment tout le monde. Cette fois, on va bien être réveillé parce que c'est une étape qui risque d'être très dynamique. On l'annonce comme une des étapes les plus intéressantes de ce Tour de France. Aujourd'hui, la France est en fête. Est-ce que ça peut inspirer des coureurs français? Aujourd'hui, la France est en fête et un Français pourrait l'emporter à Quimper, pourquoi pas. Je pense à Julien Alaphilippe. C'est un terrain qui doit les convenir. Je pense que la France va bouger, on va retrouver des couleurs sur le bord de la route. Le bleu, blanc, rouge va être vraiment la couleur d'actualité, surtout le mois de juillet. La dynamique positive, ça existe. Et les passerelles entre les sports aussi. Merci Laurent. Et bonne route. Merci. Merci à vous Jean-Michel Rascol et Laurent Jalabert. Tous fans de vélo et tous supporters des jaunes et noirs avec Direct Énergie, fournisseur d'électricité et de gaz. La bourse est à la baisse ce matin, moins 1,04%. Le CAC 40 est autour des 5 370 points. La météo cet après-midi, on reste dans la thématique du jour, du bleu presque partout, quelques petits nuages par-ci par-là dans la moitié nord et près des Pyrénées. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 23 à Mulhouse et Lille, 25 à Clermont-Ferrand, 27 à Ajaccio et Nice, 28 à Bordeaux et jusqu'à 32 degrés à Perpignan. Les courses, c'est à Anguin-Soisy cet après-midi. Voici les pronostics de Claude Pierre Santi. Il vous conseille de jouer le 7, le 3, le 8, le 11, le 14, le 10, le 13 et le 6. La dernière minute de Claude, c'est le 8. Verrazzano Bridge, il est 10h05 sur RTL. Tout de suite, le retour du grand quiz de l'été avec vous, Bruno, Caroline. Merci Mélina, on vous retrouve tout à l'heure à 11h sur RTL. Belle matinée sur RTL. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Ravi de vous retrouver tout à l'heure pour un nouvel été d'RTL vous régale. Chaque jour, de 11h à 12h30, en compagnie du globe-trotteur Jean-Sébastien Petit-Demange et de la cuisinière Loana Belmondo, nous voyagerons à travers les bons produits et leurs terroirs. Puis surtout, on va se régaler. RTL vous régale, présenté par Jean-Michel Zeka, c'est tout à l'heure à 11h sur RTL. C'est quoi le nom de cet arbre, papa ? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent ? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord ? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la Nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc. Avec Comme J'aime, vous pouvez perdre en moyenne 6 kilos le premier mois. Voici les témoignages de nos clients. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Moi 9 kilos en 2 mois. Et moi 25 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 collations, 7 dîners, gratuit. Soit 28 repas gratuits. Et en plus, la livraison est offerte. Alors appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et tout l'été sur RTL, c'est avec grand plaisir qu'avec Caroline, nous allons vous accompagner chaque jour entre 9h30 et 11h pour vous offrir des séjours au parc Astérix. Votre séjour parc et hôtel au parc Astérix pour vivre une expérience authentique en famille ou entre amis et découvrir les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc que je vous invite à découvrir sur parcastérix.fr. Pour jouer avec nous tous les matins, il y a trois possibilités, Caroline. Alors, on appelle le 3210 et ça coûte 50 centimes la minute. Ou alors on envoie par SMS RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Et vous avez les réseaux sociaux avec le magnifique, le beau, le superbe hashtag RTL Quiz un seul Z. Nous avons pour l'instant Fabien qui patiente avec les 11 points obtenus tout à l'heure. Mais avant de décerner le premier séjour au parc Astérix, nous avons une troisième candidate. Bienvenue sur RTL, Raymonde. Bonjour. Bonjour Raymonde, bienvenue. Raymonde. Bonjour Caroline, merci. On va se faire plaisir, vous êtes à Limoges. Oui. C'est ça, vous êtes agent de service dans un lycée. C'est ça. Et vous êtes fan des années 80. Oui, j'aime beaucoup. Oh, bah alors là, je peux vous dire que je ressors ma compile des années 80. Et je revois Caroline danser avec un chouchou sur la tête. Mais laissez-moi tranquille, j'avais pas de chouchou. En train de danser sur un mètre carré en faisant hop, gauche, droite. Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais bien sûr. Mais genre, c'est pareil. Hein. Mais évidemment. Vous rassure, c'est exactement pareil. En train de manger un Red Air avec mon jean neige. Ah, les années 80. Et puis la petite série de slow. Est-ce que vous voulez une petite série de slow ? Chut, série de slow. Avec plaisir. Ouais, mais le disque est d'époque, hein, il saute. Hein. Excusez-moi. J'adore. C'est Caroline qui danse trop à côté. C'est ça, c'est la platine qui a sauté. Alors Caroline, Caroline, pour dimanche, moi, je vous invite, venez à Limoges, on va faire la fête. On a fait la fête jusqu'à 1h du matin. Ah, c'est donc cool. Venez. Mais c'est pas tout près Limoges. Moi non plus. Moi non plus, je ne connais rien au foot, mais. Oh, écoutez, bah, je suis très touchée, c'est très gentil. Mais vous savez quoi? Allez, venez, venez. Raymond, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est vrai que. On parle beaucoup de football et pour cause, l'équipe de France va en finale dimanche. Il y a ceux qui sont fans de foot, mais il y a ceux également qui sont fans de l'ambiance liée au football. Et laissez-vous porter par cette ambiance, ça. Caroline. Ouvrez votre cœur. C'est ça, c'est exactement ça. Après 2-3 pina coladas, ça va très très bien vous chanter comme les autres. J'en profite pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Bon, Raymonde. Tout à fait. Aucune modération sur les bonnes réponses. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner puisque c'est Caroline qui va vous poser les questions et qu'il faut 11 bonnes réponses pour espérer gagner le séjour au parc Astérix. Si sur ces 11 bonnes réponses vous m'en donnez 10 d'affilée, je rajoute et c'est cadeau, c'est pour la maison un chèque de 1000 euros. Mais pour l'instant, concentration, si vous hésitez, le mieux c'est de passer, je le dis souvent, mais ça permet de gagner du temps. Raymonde, est-ce que vous êtes prête? Oui. Top chrono, c'est parti. En 1976, dans quel film un boxeur lance-t-il un cri d'amour à Adrienne? Rocky. Quelle lettre désigne le groupe sanguin des donneurs universels? La AB+. Dans quel domaine le site internet Marmiton est-il spécialisé? La cuisine. Quel animal est la peluche Kiki, le Kiki de tous les Kiki? Un ourson. Dans quel pays se situent les temples d'Angkor? En Inde. Comment se prénomme le dernier né du prince William? La. Je passe. Quelle chanteuse interprète le titre Ashes dans le film Deadpool 2? Je passe. Au billard américain, de quelle couleur est la boule numéro 8? Blanche. Quel doyen du village d'Astérix est marié à une jeune et jolie femme? Ascanomix. Dans quel pays européen la Guardia Civile est-elle l'équivalent de notre gendarmerie? Dans quel pays européen? L'Espagne. Oui. Et sur le fil. Ouh là là là là. Sur le fil, l'Espagne. C'est le stress, hein. Et le stress. Oui. Alors, est-ce que vous avez 11 bonnes réponses? Je ne puis le dire pour le moment, mais je vais vous faire découvrir, Raymond, ce qu'est la magie de la radio. La magie de la radio, c'est qu'on vient de finir en Espagne avec vous. De l'Espagne à l'Angleterre, il n'y a qu'un pas, qu'on franchira peut-être dès ce soir avec les deuxièmes de finale de la Coupe du Monde de football qui oppose l'Angleterre à la Croatie. Ah, parce que ça continue. Et ça continue, ça continue. Et peut-être qu'il y aura un France-Angleterre dimanche prochain. En tout cas, France-Angleterre, on l'a tout de suite en musique avec les Beatles. un titre des Beatles se déguste jusqu'à la lit, les amis. Hello, goodbye sur RTL. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Raymonde est donc notre candidate pour le premier séjour au parc Astérix. On revient, si vous le voulez bien, sur vos réponses. Rocky est en effet celui qui crie Adrian. What are you thinking about when that buzzer sounds? What are you thinking about when the 15th round you're coming out? Adrian! Rocky! Rocky Balboa. Puis-je faire un aveu? Oui, faites. Je n'ai jamais vu ni les Rocky, ni les Rambo. Très bien. Alors, vous n'avez jamais vu les Rocky, vous ne vous intéressez pas à la Coupe du Monde, vous n'aimez pas la cuisine. Je note tout ça. Ça va, ça se resserre. J'ai un beau CV, oui. Et ça se resserre pour trouver l'homme de votre vie. Je vais vous dire, la fenêtre de tir, pardonnez-moi l'expression, mais va pas être large. Raymond, le donneur universel. C'est le O. Oh, zut. La lettre qui désigne le groupe sanguin. On a quoi? On a le kiki de tous les kikis. C'est un singe et non pas un ourson. Oui, j'ai pensé après, effectivement. Dans quel pays se situent les temples d'Angkor? Et là, je dis attention, les amis. Je dis attention car François Touchard, en plus d'être un réalisateur hors pair, celui que l'on surnomme les doigts de fée de la réalisation radio, ne manque pas d'humour. Dans quel pays se situent les temples d'Angkor? Petite musique d'illustration. Et ça continue encore et encore. Et voilà. C'est que le début, d'accord. Et c'est que le début, on est début juillet, les amis. C'était le Cambodge. Louis, c'est le dernier né du prince William et celle qui a, avec brio, interprété le générique du film Deadpool 2. C'est Céline Dion. Ah ouais. Et enfin, la boule numéro 8 au billard américain, c'est... Elle est noire. La boule noire. Ah, la boule noire, pas la boule noire. Bon, Raymond. Vous totalisez 4 points. Oh là là là là. Ça n'est pas assez pour le séjour, mais en tout cas, je vous offre une montre RTL avec grand plaisir et je vous embrasse, Raymond. C'est très très gentil. Merci d'avoir participé. À bientôt, Raymond. Continuez comme ça, vous êtes super. Eh bien, nous allons continuer comme ça tout l'été. Et tout l'été, nous offrirons des séjours au parc Astérix, comme nous le faisons maintenant pour Fabien. Fabien ? Oui. Avec vos 11 bonnes réponses, vous êtes le premier gagnant de la matinée. Bravo, Fabien ! Et vous allez pouvoir réveiller votre petite fille en lui annonçant la bonne nouvelle. Alors, ce séjour au parc Astérix en détail, chère Véronique, chère Caroline. Ok, Véronique, bah on savait qu'il a regardé le match. Mais non, Véronique, c'est le prénom de la mère Foura, c'est pour non, ça. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, vous, Fabien, vous avez gagné un séjour pour 4 personnes. Vous avez 4 entrées adultes pour 2 jours au parc Astérix. Et vous pouvez loger soit à l'hôtel Les Trois Hiboux, soit à la Cité Suspendue, soit dans un des hôtels partenaires du parc Astérix. Et figurez-vous qu'on vous offre les 4 petits déjeuners, les 4 dîners. Vous allez vous éclater. Passez un bon séjour. Cool. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Et on va rejouer. Et bah oui, on va rejouer dans quelques secondes, là, sur RTL. Et peut-être qu'on va jouer d'ailleurs avec quelqu'un qui a tweeté avec le hashtag RTL Quiz ou sur Facebook, on va choisir. À tout de suite. Belle matinée sur RTL. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose jusqu'à moins 50% sur la literie et le textile literie, on pense à tous ceux qui exigent un sommeil de qualité. Et à vous, qui cherchez toujours le meilleur prix. Conforama. Jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2018, tous vos tubes préférés du moment sur un double CD idéal pour vos vacances, voici Yoshi. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou

Ah ouais. Eh ben non, mais non, parce que figurez-vous que c'était moi, sa femme. Ah ouais, d'accord, mais il a eu de la chance alors. Eh ben écoutez, c'est gentil. Faites une pizza Caroline, nous la mangerons avec. Eh ben si je gagne, il y a pas de souci, je vous envoie ça. Très alors, bien. Justement, puisqu'on parle de gagner, vous avez déjà gagné un concours qui vous a permis de chanter devant 7000 personnes. Oui, à la Tony Garnier, oui. C'était pour la tournée du Top 50 et j'ai chanté quelque chose de Tennessee. Génial. Et alors les gens. J'ai mis la vidéo sur YouTube, vous pourrez aller la voir. Ah, si vous l'avez mis sur YouTube, c'est encore mieux. Et, et alors, mais les gens ont réagi comment ? Oh, très bien. J'ai cru que j'allais recevoir des tomates maintenant. Ça aurait été bien remarqué puisque vous faites des pizzas. Ah, exactement. Oui, pour faire des pizzas, ça aurait été bon, oui. Bon, c'est moi qui vous pose des questions, cher Laurent. Oui. Alors là, c'est pas l'interprétation de Laurent, c'est l'interprétation de Johnny. Mais la chanson est tellement belle. Oui. Avec ses mots à lui. Je vous pose les questions juste après ça, Laurent. Ok. Belle matinée sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, oh là c'est grillé. Pour Lidl ? Pour nous, oui. En ce moment, pendant les jours XXL, ils mettent le paquet sur les pistaches de Californie grillées et salées. 3,57€ le sachet de 300 grammes, dont 20% gratuit. 3,57€ les pistaches ? Tu veux que je me fâche ? Oh ben non, c'est pas votre genre patron. Mais c'est le vrai prix, hein. Tu sais quoi ? On bosse vraiment pour des cacahuètes. Mais je sais patron, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, je suis Clément Leuillet, franchisé Bureau Vallée à Brie-Comte-Robert. Retrouvez tous nos prix d'été pour la rentrée. Par exemple, le lot de 5 bâtons de colle scotch 8 grammes est à 1,69€ TTC seulement. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable jusqu'au 14 juillet 2018. Magasin participant sur bureau-vallée.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et surtout, Laurent, notre pizzaiolo du Jura. Laurent, c'est vous qui ouvrez cette nouvelle session pour le séjour au Parc Astérix. C'est à vous d'établir un bon score pour tenter de le gagner tout à l'heure avant 11h du matin. Laurent, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt, parti. Top chrono ! Selon la tradition, quels animaux guident le traîneau du Père Noël ? Les rennes. Comment se prénomme la fiancée de Tarzan ? Jane. Quelle ville d'Alsace donne son nom à une saucisse aussi appelée knack ? Strasbourg. Dans quel monument parisien repose Simone Veil depuis le 1er juillet ? Le Panthéon. Quelle actrice multi-oscarisée croise Clint Eastwood sur la route de Madison ? Je passe. Quelle fête astronomique a lieu chaque année au mois d'août en France ? Astronomique, la nuit des étoiles. Dans quelle partie de l'œuf se situe l'albumine ? Le jaune. Quel couple vient de tourner le clip de leur chanson Apshit au musée du Louvre ? Je passe. C'est apeshit. Quelle course à pied se parcourt sur une distance de 21,1 km ? C'est un raton. Chez les poissons, quel est l'équivalent de nos poumons ? Les ouïes. Au poker, quelle combinaison comporte 4 cartes de même valeur ? Carré. Dans la série télé, quel est le prénom du commandant Renoir ? Jules. Comment appelle-t-on une personne capable d'écrire des deux mains ? Dans quelle ville espagnole se trouve le musée Guggenheim ? Je passe. Il s'est battu comme un lion. Oui, comme un lion. La mère Foura, qui est toujours sur Jules Renoir. C'est mieux que rien dire. Mais évidemment, mais vous savez quoi, Laurent, alors attention, je n'étais pas en train de me moquer, puisque je peux vous dire que sur ce questionnaire, j'aurais donné beaucoup moins de bonnes réponses que vous, car oui, des bonnes réponses, il y en a. Et on va revenir sur vos réponses avec Caroline. C'est l'actrice, oui, c'est moi Caroline. L'actrice multi-oscarisée qui croise Clint Eastwood sur la route de Madison, ce film merveilleux, c'est notre divine Meryl Streep. Si ça peut vous créer un problème de me voir ce soir, ne vous sentez pas obligé de le faire. La plupart du temps, je me trompe sur ce que peuvent éprouver les gens et je ne voudrais pas vous mettre dans une situation compromettante. Oui, je comprends. C'est très gentil à vous d'y avoir pensé. Robert. C'est très déstabilisant puisque la voix française, on a celle de Michel Blanc dans le Père Noël est une ordure. Bon, et puisqu'on parle de la route de Madison, sachez que l'été d'Arte est placé sous le signe de la séduction et que tous les vendredis et dimanches soirs, vous allez pouvoir retrouver des films cultes, dont Sur la route de Madison ou encore certains Lame Show, mais également des concerts mythiques et des documentaires sur les stars de la pop tels que Prince, Madonna, Freddie Mercury, le tout présenté par l'icône glamour Dita Von Teese. Rendez-vous vendredi soir sur Arte. L'albumine ne se trouve pas dans le jaune, mais dans le blanc. Bon, ouais, vous aviez une chance sur deux, comme on dit. Oui, mais je suis con. Non, mais, oh non, attendez, nous, vous savez, on fait pas les fiers, on a les réponses sous les yeux. Hein. Alors, Beyoncé et Jay-Z, c'est ce couple mythique qui vient de tourner le clip de leur chanson au musée du Louvre. Et c'est donc Ape Shit, hein, parce que j'ai dit Ape Shit. Oui, mais ça peut arriver. Oui, mais je speak English fluently, donc ça m'ennuie quand même. Et les poissons, chez les poissons, l'équivalent de nos poumons, vous avez dit les ouïes, bien sûr, les branchies, tout oui. à fait, c'est correct. Et donc, le prénom de Jules Renoir, c'est Candice Renoir, et c'est une série très sympathique avec une actrice fort sympathique aussi, Cécile Bois. Laurent, le score à battre avant 11h est de 9 bonnes réponses. C'est pas mal du tout. Et en tout cas, ça vous permet de repartir tout de suite avec une belle montre RTL. Mais vous dites tout. Ah, voilà. Vous on voit le blanc rouge. On vous envoie ça vite du côté du Jura et peut-être à tout à l'heure, Laurent. Eh ben peut-être, oui. Et d'ici là, il va falloir continuer à vivre ou survivre. Oui, j'ai gagné le championnat de l'enchaînement radio en 92. Voici Balavoine. Daniel Balavoine sur RTL. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Tiens, encore. encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Attention, attention, grand tournoi de volley sur la plage demain à partir de 11h. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je suis super contente, c'est moi qui l'organise. Alors je viens chercher de quoi désaltérer tout le monde. Ah, d'accord. Et vous saviez que jusqu'au 22 juillet chez Carrefour Market, le troisième pack de 6 bouteilles d'eau minérale naturelle Perrier est gratuit. Voilà. Prouh, toute cette activité, ça m'a donné soif. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Bouteille de 1 litre, magasin participant sur carrefour.fr. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose jusqu'à moins 50% sur la literie et le textile literie, on pense à tous ceux qui exigent un sommeil de qualité. Et à vous, qui cherchez toujours le meilleur prix. Conforama. Jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Pour moi, ça sera une blanquette de veau et une tarte tatin, s'il vous plaît. Et pour moi, rien, merci. Tu prends rien? Non, non, je fais un régime drastique, mais même avec ça, j'arrive pas à perdre du poids. C'est ridicule. Ça n'est pas en te privant de tout que tu vas mincir, au contraire. Et c'est la méthode comme j'aime. Tu manges de tout dans les bonnes proportions et c'est très efficace. Pour perdre vos kilos en trop, appelez-vous aussi Comme J'aime pour Homme au 0800 003 103. Et testez une semaine, c'est gratuit. 0800 003 103. Comme j'aime.fr, c'est pour nous les hommes. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Chérie, j'ai craqué. Comment ça? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Ah, et alors? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8990 euros. Comment ça, 8990 euros? Attends, j'ai peur là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500 et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8990 euros seulement. Offre sous condition de reprise, prime à la conversion. Version gouvernementale et bonus Ecofiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Chaque été, c'est la même chose. Je change de rythme, d'alimentation et mon transit se met au ralenti. J'ai trouvé ma solution naturelle avec fruits et fibres des laboratoires Ortis. Des figues et de la rhubarbe pour retrouver un transit régulier. À moi l'été en toute légèreté avec fruits et fibres. Pour profiter de l'offre satisfait ou remboursée, rendez-vous jusqu'au 31 août en pharmacie et sur offrefruitsetfibres.fr. Pour votre santé, bougez plus. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia. Oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. RTL, le grand quiz de l'été. Nous avons eu Laurent qui a joué avec nous tout à l'heure. Et alors attention, petite rectification, car oui, ça arrive, errare humanum est, comme le disait Franck Ribéry. L'erreur est humaine et c'est vrai que sur les réponses que nous a données Laurent tout à l'heure à la question chez les poissons, quel est l'équivalent de nos poumons, il a dit oui, on lui a compté comme une bonne réponse alors que nous attendions les branchies et donc on lui a enlevé le point, il se retrouve à 8 points et non pas 9 et c'est vrai que oui et branchie c'est pas la même chose. Est-ce que par exemple on aurait eu branchie 14 comme roi de France? Non, ça ne veut rien dire, évidemment. Est-ce qu'on aurait coupé la tête de branchie 16? Non, on ne l'aurait pas fait, les amis. Est-ce que Branchie Armstrong aurait joué de la trompette un jour dans la Nouvelle-Orléans? Il ne l'aurait pas fait non plus. Bon, ce rectificatif fait, c'est le moment pour nous d'accueillir Marie-Claire du côté de Limoges. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, ça va bien? Bonjour Marie-Claire, bienvenue sur RTL. Bonjour Caroline. Excellemment bien Marie-Claire. J'ai une question existentielle à vous poser. Vous savez, le côté deux salles, deux ambiances. Hier soir... Pour l'instant, oui. C'est différent, c'est bon. Elle suffit, oui. Cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Il y avait ça sur la première chaîne de télévision et oui. Sur la deuxième... On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher... Il y avait une émission présentée par mon camarade Stéphane Bern sur Michel Sardou. Et je vois que vous êtes fan de Michel Sardou, donc ma question... Marie-Claire, c'est qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision hier soir? Alors, on a regardé le match parce qu'en face de chez nous, on a des Belges, donc c'était un peu la guerre. Et à 10h, quand ça a été fini, je me suis mise sur Michel Sardou. D'accord. Et alors, il est confortable? Oui, pas mal, parce qu'il a grossi. Bon, allez, sans commentaire. Marie-Claire, bon, oui. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous ne vous êtes pas trompé de radio ce matin. Parce que des fois, non. Je sais que vous pouvez être un petit peu tête en l'air. Il vous arrive quelque chose avec votre mari? Oui. Devant la sécurité sociale, il m'avait déposé. Je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis ressortie. Mais à la sortie, ben, je me suis assise dans une autre voiture. Alors le charmant monsieur qui était à côté, il s'est demandé ce qui lui arrivait. Ben, c'était Marie-Claire qui était assise à côté de lui. D'accord. Mais c'est... je vous garantis que j'ai pas mis longtemps pour redescendre et pour regagner la voiture. Voilà. Ça a un petit côté Pierre Richard. J'aime ce genre d'anecdote. Voilà. Alors moi, c'est arrivé à ma maman, Claudette, que j'embrasse, qui, pareil, un jour est montée dans la voiture de quelqu'un en croyant que c'était mon père qui attendait. Et elle a engueulé, elle a engueulé le gars en disant « Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture ?» Voilà, il y a deux salles, deux ambiances. Bon, Marie-Claire. C'est bien, oui. Huit bonnes réponses, donc c'est le score à battre, vous l'avez compris. C'est Caroline qui vous pose les questions, à vous de donner un maximum de bonnes réponses. Dix bonnes réponses d'affilée, c'est 1000 euros. Et je rappelle que vous jouez pour un séjour au parc Astérix. Et si vous ne savez pas, si vous hésitez, le mieux c'est de passer. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Quel personnage de Victor Hugo est sonneur de cloche à Notre-Dame ? Quasimodo. Quel autre nom donne-t-on au cochon d'Inde ? Porc épic, non, c'est pas ça. À qui demandez-vous conseil pour le choix d'un vin au restaurant ? Au sommelier. Quel chiffre peut-on, doit-on multiplier par lui-même pour obtenir 64 ? 8. Quel nom donne-t-on à la partie supérieure d'un champignon ? La tête. Quel film récent réunit 8 femmes prêtes au casse du siècle lors d'un gala VIP ? Je passe. Quelle expression latine signifie « c'est ma faute » ? Mea culpa. Quel jour de la semaine les élections municipales ont-elles lieu en France ? Alors là, franchement, un lundi. Quel footballeur français a dit « j'espère que la roue tourne, va vite tourner » ? Je passe. Pour quel journal travaille Gaston Lagaffe ? Je passe. Quel imitateur est en tournée actuellement avec son spectacle intitulé « Sans modération » ? Je vous explique, Marie-Claire, ce qui est en train de se passer, c'est que la mère Foura fait tellement de signes avec les bras qu'elle a décollé de 50 cm du sol. Donc, parce que non, je ne pouvais pas vous accepter la réponse sur l'imitateur si d'aventure vous l'aviez donné, puisque vous aviez patienté trop longtemps. Mais comme vous ne l'avez pas donné, pas de souci. C'était Laurent Gira. Ah d'accord, merde. C'est le mot de Cambronne qui convient. Marie-Claire, on revient sur vos réponses si vous le voulez bien. Le personnage de Victor Hugo, ça commençait bien. Oui, en effet, c'est Quasimodo. Oui, c'est ça, Quasimodo. C'est un mot qu'on dit Le porc épic, ce n'est pas l'autre nom du cochon d'Inde. Ce serait le cochon d'Inde qui ne s'est pas épilé. Hein. C'est le cobaye. Mais oui, voilà. C'est quel nom donne-t-on à la partie supérieure d'un champignon ? La tête, ça paraît très logique, mais c'est le chapeau. Ah, le chapeau, bah, je ne savais pas. Le film récent qui réunit 8 femmes prêtes au casse du siècle lors d'un gala VIP. Vous avez passé, c'est Ocean's 8. Bonjour, mademoiselle Ocean. Comme vous le savez, la liberté conditionnelle est un privilège. J'ai fait une bêtise. Mais c'est du passé. Et si on devait me libérer, je pense que... je mènerais une vie toute simple. Je rêverais d'avoir un travail stable, des amis et... et de payer mes factures. Et sur les élections, nous, on a tendance à voter le dimanche, chère Marie-Claire, et non pas le lundi. Oh là là là là. Quel footballeur français a sorti cette phrase devenue culte ? Mais j'espère que la roue tourne va... va vite tourner pour lui et surtout pour nous. C'était Franck Ribéry et Gaston Lagaffe travaillent au journal Spirou. Bon, Marie-Claire... Eh ben c'est pas beau, hein. C'est quatre bonnes réponses. L'exercice est toujours beaucoup plus simple quand on est de l'autre côté de la radio que quand on est à l'antenne. Et vous avez obtenu quatre bonnes réponses. Ah ben, c'est pied, loin d'être ridicule, mais ce sera insuffisant pour le séjour au parc Astérix. Mais vous savez quoi ? On va vous envoyer une montre RTL, Marie-Claire. Ouais, vous êtes gentil. Et des bisous. Vous êtes gentil. Moi aussi, pardon, est-ce que je peux dire un petit bonjour à mes voisins ? Eh ben, allez-y. À de Limoges, Daniel et Christiane, qui sont en train d'écouter RTL. Je les embrasse très fort et vous écoute tous les jours. Est-ce que ce sont vos fameux voisins belges dont vous nous parliez tout à l'heure ? Non, c'est les autres d'à côté. Ah, bon, très bien. Les Belges, ce sont nos voisins de vacances. Eh bien, écoutez. Et hier, c'était chaud. C'était très bien. Nous, on embrasse tout le monde. On vous embrasse, Marie-Claire. Et j'en profite. Pour embrasser également mon voisin belge qui sera à l'antenne d'RTL tout à l'heure à partir de 11h. Jean-Michel Zeka, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Je sais qu'il a regardé de venir en vous plus. Voir. Comment vous dire pas... qu'il n'a pas de rouge dans sa tenue là? Non, il n'y a pas le maillot d'hier, comment ça se fait? Vous remarquez que je suis en noir. C'est vrai. Vous savez, je me suis découvert un point commun depuis hier avec Caroline Diamant. C'est que finalement le foot, moi, c'est pas. Oui. C'est très surfait, c'est très surfait. Bon, du coup, non, j'ai envie de vous poser cette question, Jean-Michel. La première, c'est qui allez-vous soutenir dimanche? Alors, faites bien de la poser, cette question, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, et c'est un peu le mot d'ordre commun en Belgique ce matin, c'est tous derrière les Bleus. Et je trouve ça joli. C'est vrai. J'ai vu ça, ça m'a touché. Sauf Eden Hazard, qui lui a dit qu'il soutiendrait l'équipe qui serait contre l'équipe Bruno, de France. Bruno, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que ce sont des propos d'après-match, tenus à chaud. Voilà. Non, mais sérieusement, je pense qu'on va être vraiment derrière la France et vous méritez cette victoire. Et j'espère une finale remportée face à l'Angleterre ou à la Croatie. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h avec une belle équipe, là également sur le terrain de la radio. Vous aurez Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange. Équipe franco-italo-belge. Exactement. Ce sera tout à l'heure à partir de 11h. Allez, dernier candidat pour gagner un séjour au parc Astérix. On l'accueille après ça. Belle matinée sur RTL. Bonjour à tous, c'est Christophe Pacou. Décompressé. Profitez, c'est l'été sur RTL. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4 300 € contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Décathlon, c'est aussi la joie. Des sports d'été, des virées en kayak, des randos ensoleillés, de prendre la vague parfaite, de se sentir libre, de se lancer en VTT dans une forêt ombragée, de pouvoir... Ah oui, ça, on adore. En ce moment, profitez des bons plans chez Décathlon. On adore les réductions jusqu'à moins 60%. Rendez-vous chez Décathlon. Darty propose des solutions de livraison pour répondre à tous les besoins de ses clients. Combien ça coûte? Peut-on choisir le moment de la livraison? Les réponses du responsable du service de livraison Darty dans un instant. On en parle. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil? Pendant l'opération Fan de Food chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Attention, il ne reste plus que quelques jours. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 € d'achat. Modalité du jeu et magasin participant sur intermarché.com. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Et vous? C'est quoi votre défi avec les plaques Habito de Placo? J'ai un client toqué de cuisine. Alors pour accrocher 300 kilos de meubles au mur, il fallait la bonne recette. Heureusement, maintenant, il y a Habito, la seule plaque capable de supporter 60 kilos par point de fixation. Défi relevé. Professionnel, découvrez la plaque Habito dans votre point de vente et sur placo.fr. Placo, une marque de Saint-Gobain. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Dans moins de 12 minutes, nous saurons qui est le gagnant ou la gagnante du dernier séjour au parc Astérix. Mais pour ajouter dans la boucle, Anne, qui va jouer avec nous ce matin. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bienvenue sur RTL. Vous Merci. Êtes tout près de nous, vous habitez dans les Yvelines. Voilà, pas très loin, mais là je suis en vacances. Ah, très bien, et vous êtes où? Alors, je suis dans les Gorges du Verdon, où il fait un temps magnifique, et on vous écoute aussi là-bas. Je suis fan des Gorges du Verdon. Voilà, je ah ouais, dis, moi, je préfère les épaules. La petite balade en bateau dans ce gigantesque canyon où on peut se baigner, exactement, se rafraîchir dans une eau qui a un vert magnifique, j'adore cet endroit. Ah oui, c'est magnifique, vraiment, vraiment. J'invite tout le monde à y aller. Alors, il vous est arrivé une anecdote qu'on aimerait tous vivre à bord d'un avion. Expliquez-nous. Oui, bah, il y a eu confusion, il y avait un homonyme. Bon, faut dire que le prénom Anne, c'est assez courant. Et donc, j'ai pu bénéficier de la classe à faire, la coupe de champagne, le fauteuil qui va bien, alors qu'en fait, ça m'était pas du tout destiné. Donc, j'adore l'idée. Profité. J'étais vaguement surprise, mais je me suis pas trop posé de questions. Dans ces moments-là, je crois qu'on profite. Bah, vous avez raison, mais moi, je suis très anxieuse, donc j'aurais eu peur, si vous voulez, pendant que je m'endors, qu'on vienne me tirer au milieu, vous savez, en me disant merci de regagner la classe économique à laquelle vous appartenez. C'est ça. Anne, est-ce que vous vous sentez prête? Il y a un record à battre pour gagner ce séjour, et ce record, c'est 8 bonnes réponses. Enchaînez-en 10 et nous vous ferons un chèque de 1000 euros. Anne, ne bougez pas surtout pour la liaison téléphonique. Vous m'entendiez bien et qu'on entende bien vos réponses. C'est moi qui vous pose les questions. Attention, Anne, top chrono. En ski de fond, quelle partie du pied n'est pas attachée au ski? Le tapon. Quel chevalier de fiction monte Rocinante? Quelle est la principale vitamine apportée par un ananas frais? C. Quel est le prénom de MC Solar? Claude. Sous quel nom connaît-on mieux l'animal appelé lombric? Un ver. Depuis 2014, dans quelle émission télé Carole Gessler fait-elle découvrir les joyaux du patrimoine? À la banque, jusqu'à quel âge peut-on souscrire un livret jeune? À quel dessinateur doit-on les rubriques à braque? Tabu ou hasard. Au début d'une partie d'échecs, quelles pièces sont placées aux quatre coins de l'échiquier? Et pour. Quel est le chef-lieu de l'Allier? Oula, passe. C'était Moulin. Alors là, je vous cache pas qu'on a fait un exercice un peu compliqué puisque la liaison n'était pas excellente. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous reprenne en antenne l'espace de quelques secondes, Anne, le temps de gérer tout ça. Heureusement, nous avons pu entendre vos différentes réponses. Sont-elles bonnes ou mauvaises? La réponse juste après ceci. Bonne matinée et bel été sur RTL. Peugeot, leader des SUV en France. Partez au volant d'un SUV Peugeot. Tous fabriqués en France, il y en a forcément un fait pour vous. Le SUV 2008, le compact aussi à l'aise en ville qu'en montagne. Le SUV 3008, le concentré de technologie agile sur tous les terrains. Ou le SUV 5008, le grand 7 places ultra modulable. Cet été, profitez d'une reprise de 3000 euros en plus de l'Argus pour l'achat d'un SUV Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr. Bonjour, je suis Sylvie Geoffroy, franchisée Bureau Vallée à Rambouillet. Avec le destructeur Fellows 60CS, réduisez vos documents confidentiels en confettis. Un indispensable à 84,90€ TTC avec 15€ remboursés en différé par Fellows. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable jusqu'au 14 juillet 2018. Conditions du remboursement et magasins participants sur bureau-vallée.fr. La BD RTL du mois de juin a été décernée à Nicolas Pétrimo pour son album Il faut flinguer Ramirez. Aux éditions Glénat, Cartel de la drogue, Maxi Embrouille et Grosse Moustache. Et si derrière la légende du pire assassin mexicain se cachait le meilleur expert en aspirateur que le monde ait jamais connu? Un hommage déjanté au film d'action américain. Une BD thriller survitaminée. Il faut flinguer Ramirez. Aux éditions Glénat, élu BD RTL du mois de juin. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. RTL, le grand quiz de l'été. Et Anne, qui est la dernière candidate de la matinée, va-t-elle gagner le séjour au parc Astérix? La réponse dans quelques minutes, le temps d'écouter I Believe, Alex Hepburn. Everything I own is everything I own. If it's on the door, can I keep my soul? Alex Hepburn, I Believe, sur RTL. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Alors, normalement, on a récupéré Anne. Anne, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Oui, oui. Tout la passe du tunnel. Les gorges sont toujours là. On y va. Oui, oui, oui, je suis on là. Y va sur la vérification de vos réponses avec Caroline Diamant. Mais bien sûr, le chevalier de fiction qui montre Rocinante, c'est Don Quixote. Don Quichotte, donc, quand on n'a pas l'accent. Ouais, avec Cervantes. Oui, mais il y avait l'idée. Cervantes était l'auteur. Mais oui, non, mais c'était très proche. Le prénom d'MC Solar, vous avez dit que c'est Claude. Et vous avez raison. À la télé, il y a plus de speaking. Il y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Et même un nouvel extrait du nouvel album. Donne et que ça saute. De ta vie pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute. Libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. Moi, je trouve qu'il aurait été de bon temps, vu la personne qui anime avec moi, de mettre. Caroline. Mais bon. J'allais pas me faire une spéciale dédicace à moi-même, quand même. Depuis 2014, l'émission de télé qu'anime Carole Gessler et qui fait découvrir les joyaux du patrimoine, eh bien, c'est des racines et des ailes. Enfin, vous pensiez que on peut ouvrir un livret jeune jusqu'à 20 ans, mais sachez que on est jeune jusqu'à 25 ans, en tout cas pour ouvrir un livret jeune. Voilà. Et ce n'est pas Cabu, mais Marcel Gottlieb qui dessine les rubriques à braque. Mon Dieu vivant, voilà. Hommage éternel, je lui dois la passion de mon métier. Je suis fan de Marcel Gottlieb. D'accord, bon. Alors si on additionne et qu'on retire et qu'on multiplie, on arrive à 5 points pour vous, Anne. Ce sera insuffisant pour repartir avec le séjour au Parc Astérix. Mais on va vous envoyer une montre RTL et puis Merci beaucoup. Et puis on va faire un bisou à votre petit bouchou, petite bouchou. Vous êtes jeune maman, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, oui. Ma petite Lou qui a 8 mois. Comment s'appelle-t-elle? Lou. Lou, elle s'appelle. Alors, non, en principe. Non, vous n'avez pas dit ma petite Lou qui a 10 mois? Non, non, mon petit Lou. Et il s'appelle comment? Antoine. Antoine, j'espère que ça nous porte chance. Bisous, Antoine, exactement. Merci. On vous embrasse, Anne. Merci. Bonne fin de vacances. À bientôt, au revoir. Et on annonce la bonne nouvelle à Laurent en direct. Laurent a joué avec nous tout à l'heure. 8 bonnes réponses. On vous a enlevé un point, mais ça va bien. Laurent, puisque vous êtes le gagnant du séjour au Parc Astérix. Ouais, merci. Bravo, super. Vous partez en famille au Parc Astérix. Mais bien sûr, 4 personnes, des entrées adultes pour 2 jours, et puis une nuit à l'hôtel. Vous choisissez l'hôtel Les Trois Hiboux, la Cité Suspendue, ou carrément des hôtels partenaires du Parc Astérix. Et on vous offre avec plaisir les 4 petits déjeuners, les 4 dîners, et tous les samedis soirs de l'été, vous découvrirez Le Ciel vous tombe sur la tête. C'est un spectacle son et lumière absolument unique. Au revoir Laurent, et bon voyage. Merci, je vous enverrai une petite carte postale. Merci. Avec grand plaisir. Et puis, vous viendrez déguster mes pizzas. Mais ce sera avec un autre plaisir également. Tiens, puisqu'on parle de dégustation, je ne résiste pas au plaisir de vous donner encore une petite tranche de... Il en suffira d'une. Il en suffira d'une. Avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus Ménazuraux. Voilà, c'était pour Jean-Michel Zeka pour être sûr qu'il se souvienne bien de ce moment. J'ai de la mémoire et vous savez quoi, j'ai gardé ma trompette de supporter même si elle fait un son un peu bizarre ce matin, je vous l'accorde.